La Vierge de Mabille, d'Henri Escoffier. Chapitre 1er. Le jardin Mabille, ou pour employer le langage parisien façonné aux abréviations, Mabille, occupe le premier rang parmi les nombreux établissements consacrés à la danse et aux promenades galantes. Brillamment éclairée, à peu près élégante, spacieuse et commode, décorée avec un luxe relatif, telle est la rotonde du bal. Émondée, ratissée, ingénieusement distribuée, plein de petits recoins qu'éclairent discrètement la lueur du gaz tamisé par les feuilles des arbres, ornée d'un petit belvédère auquel conduisent des sentiers à moitié cachés, tel est le jardin. Les habitués, hommes et femmes, s'y rencontrent sans paraître se chercher, pendant qu'autour de l'estrade de l'orchestre, les danseuses lèvent, à des hauteurs inconnues des salons académiques, des jambes qui ne sont pas toujours mal tournées. La galanterie s'y promène, mais il est rare que la prostitution y étale ses falbalas salis et chiffonnés, y crie de sa voix enrouée et s'y met effrontément aux enchères. Sans de grands efforts, il est permis de se donner, sinon de garder des illusions. Mabille était ainsi avant la guerre. Il n'a certainement pas changé, Paris étant resté le même dans toutes ses manifestations. Si les deux sièges ont amoncelé des ruines matérielles, ils n'ont fait disparaître aucun des vices inhérents à la vie factice et fiévreuse de l'assemblage si curieux, si divers, si mobile du monde parisien. Quelques moralistes moroses se lamentent en constatant que Paris s'amuse avec tout autant d'entrain qu'avant la guerre. Jérémie, plus ou moins sincère, ils font les gros yeux et vaticinent d'une voix lugubre, comme si Paris n'était pas un monde à part, comme si ses viriles, ses héroïques résolutions, Dieu sait s'il en est capable, n'avait pas eu à toutes les époques tourmentées de son histoire l'excitant d'un joyeux refrain ou d'une danse folle. On ne refait ni un peuple ni une ville. Ah, mes cerveaux d'un peuple! Paris est ce qu'il est. Tel quel, il fera encore trembler le monde par ses explosions de colère, sauf à conquérir son admiration par ses stoïques sacrifices. Donc, les quinderies de l'orchestre de Mabille sonnaient joyeusement au commencement du mois de juillet 1870. Les viveurs ne se préoccupaient pas encore des rumeurs menaçantes qui traversaient le Rhin. Les hommes politiques seuls étaient inquiets, car ils savaient que M. de Bismarck, ayant compté les oui du plébiscite du mois de mai, n'en avait pas trouvé 300 000 pour l'armée française qui avait voté presque tout entière en faveur du régime impérial. Il redoutait les coups de tête de l'Empire aux abois et pressentait une catastrophe dont il ne prévoyait cependant pas l'immensité. Le grand public, lui, riait, s'amusait, chantait, gaspillait en fantaisie un argent facilement gagné. Jamais Mabille n'avait été aussi brillant, même au beau jour de l'exposition universelle de 1867. C'est que, depuis quelque temps, une étoile s'est élevée et scintillait d'un vif éclat au milieu des nébuleuses trop connues et qui n'avaient plus de mystère pour personne. C'était une jeune femme d'une rare élégance, portant bien et haut, sur un buste voluptueusement arrondi, une tête mignonne et souriante. Des yeux, ah, quels yeux, si grands et si profonds qu'ils donnaient le vertige. On pouvait craindre de se perdre dans un abîme, tant les regards englobaient un vaste tourbillon. Des yeux noyés comme ceux d'une créole et vifs comme ceux d'une espagnole ou d'une provençale. Elle était restée brune, rare et piquante audace, à une époque où les femmes s'étaient vouées au jaune. Elle avait le teint d'un blanc mat, et l'on voyait à travers un épiderme transparent courir le sang généreux de la jeunesse que tous les artifices ne sauraient ni simuler entièrement ni surtout remplacer. On ne pouvait lui reprocher d'avoir forcé l'attention. Elle ne portait pas de toilette tapageuse, son attitude n'avait rien de provoquant. Ses costumes étaient remarquables seulement par la richesse des étoffes et la sincérité des dentelles. Jamais de ton violent, jamais de coupes inédites, une élégance bien plutôt de bourgeoise coquette que de femme à la mode. Ce qui avait séduit le monde blasé des viveurs, c'est ce je ne sais quoi affriolant et attractif qu'aucune langue humaine ne saurait exprimer. Cette femme était un fruit défendu que chacun aspirait à mordre. Qui était-elle et d'où venait-elle? Personne n'en savait rien. Elle se faisait appeler prosaïquement Madame Dumont. alors que les autres femmes de sa condition apparente se fabriquaient de fantastiques blasons et choisissaient les noms les plus ronflants. Les habitués de Mabille l'avaient surnommée la duchesse. Les habitués, Jeanne d'Arc ou la Vierge de Mabille, confessant ainsi de bonne foi qu'aucun d'eux ne pouvait se vanter d'avoir obtenu au-delà d'un sourire. Et de fait, elle quittait toujours le bal de très bonne heure, refusant toutes les offres de service et tenant rigoureusement à distance les galants s'ils insistaient. Une camériste l'attendait. Elle s'en allait le plus souvent à pied du côté des Champs-Élysées. Si on les suivait, elle prenait une voiture et rentrait en ville. Tout ce qu'on put savoir, c'est qu'elle s'était fait conduire à la gare Saint-Lazare. Là, on avait perdu leurs traces. Ce fait, étrange au premier abord, pour ceux qui savent que Paris est un grand composé de petits villages, paraîtra tout naturel si l'on veut bien réfléchir à ceci. Tout se sait à Paris lorsque quelqu'un a un intérêt sérieux à percer un mystère. Ici, c'était une simple affaire de galanterie. Les viveurs sont très prudents. Ils ne se lancent à la poursuite d'une femme que si sa conquête, plus ou moins aléatoire, ne doit entraîner que des pertes de temps ou d'argent. On désirait la duchesse, on la recherchait, mais sans se compromettre ni s'engager. Elle était entourée, adulée, flattée, dès qu'elle paraissait, cela ne portait pas à conséquence. La jeune femme avait compris ce jeu plein de réserves, et sa vanité s'en irritait. Elle eût dû se dire cependant que, ne donnant pas même des espérances, le monde dans lequel elle se trouvait par curiosité ou pour tout autre motif ne pouvait pas changer en son honneur son humeur facile et ses complaisants sous-entendus. En un mot, elle avait suscité bien des convoitises et pas un amour. Madame Dumont, pour couper court à toutes les obsessions, avait accepté un soir un souper fin, à condition qu'elle serait la seule femme. 10 ou 12 de ses adorateurs espéraient enfin la tenir. Point. Elle fut gaie, spirituelle, elle tint tête à tous les toasts, fit un tour de valse ou de polka avec chacun des convives, joua un jeu d'enfer et gagna de fortes sommes, reprit sans hésiter les coupes de champagne et s'esquiva, calme, l'esprit et le cœur libres, au moment où les jeunes fous, complètement ivres, se disputaient à qui resterait la victoire. Cette aventure fit grand bruit et mit le comble à l'irritation des femmes de Mabille qui décrétèrent que la duchesse n'était qu'une amorce. On appelle amorce, dans ce monde-là, les femmes que les entrepreneurs de bal public payent quelquefois très cher pour attirer les clients. Les danseuses excentriques et disloquées outre mesure n'ayant plus guère d'action sur le public, on supposa que la direction de Mabille avait imaginé une intraitable vertu. C'eût été fort ingénieux. En réalité, il n'en était rien. Mabille profitait du phénomène d'une femme sage, mais ne l'avait pas inventée. On comprend qu'une telle femme fut le point de mire des petits crevés, aussi bien que des viveurs expérimentés et des riches étrangers qui tous croient à l'irrésistible puissance de leur élégance, de leur expérience ou de leur portefeuille. La duchesse ne résistait même pas. Elle avait pour chacun et pour tous un sourire, un mot aimable, un petit salut ou une révérence. Elle passait à travers les pièges qu'on lui tendait et les séductions qu'on faisait miroiter sans se laisser prendre ni tenter. La camériste était comme la maîtresse, souriante et incorruptible. Un rouet sur le retour lui ayant glissé un billet de banque de la main, elle ne se fâcha pas, mais fit ostensiblement flamber le papier soyeux au contact d'un bec de gaz. Ce fut tout un événement, et qui aurait dû décourager les soupirants. Il n'en fut rien. La résistance n'est-elle pas l'excitant de l'amour, de la passion et de la vanité? Madame Dumont n'aimait pas, mais le jeu qu'elle jouait avec ses adorateurs, elle faillit en être victime elle-même. De tous les habitués de Mabille, un seul n'avait pour elle ni une attention ni un regard. C'était un homme d'une 30aine d'années, plutôt plus que moins, ni bien ni mal de sa personne, d'une mise élégante mais sans recherche. Tous les soirs il allait à Mabille, seul. Il faisait le tour de la salle, ne parlait à personne, regardait d'un air indifférent un quadrille ou une valse, poli, froid et réservé si les hasards de la foule le mettaient en rapport avec une dame. Puis il allait prendre place à un banc isolé entre la rotonde du bal et le jardin. Il restait là une demi-heure, fumait un cigare tout en jouant négligemment avec sa canne et s'en allait, seul comme il était venu. Ce jeune homme intriguait la duchesse plus qu'elle n'eût osé l'avouer. Très certainement, elle aurait chassé de son esprit la pensée de cet indifférent s'il avait su qu'il avait juré de l'obliger à venir à lui. Pendant qu'elle minaudait et qu'elle agitait son éventail de grandes coquettes, l'inconnu, certain de n'être pas surpris, ne la quittait pas du regard et murmurait « Tu as beau y faire, tu y viendras. » Elle y vint, en effet. Un grand mouvement de curiosité s'était produit ce soir-là autour de l'orchestre. La pancarte indicatrice portait cette inscription « Valse ». La duchesse, avec l'assurance d'une femme que l'on est trop heureux de servir, avait choisi un valseur. Le bras gauche posé sur son épaule, elle se promenait déjà, préludant à la danse. De proche en proche, on s'était dit « Allons voir la duchesse ». Les curieux accouraient et formaient le cercle, tandis que les danseurs vulgaires se retiraient de l'arène, craignant de manquer leur effet. L'orchestre fit entendre une des plus jolies valses du répertoire et des plus entraînantes, Il Baccio ou Les Roses. Légère et décente dans son abandon, la duchesse faisait tournoyer harmonieusement les longs plis de sa robe. Peu à peu, les quelques groupes qui, par ignorance ou par forfanterie, s'étaient lancés à sa suite, disparurent, ne pouvant suivre le mouvement précipité de l'orchestre, mouvement spécial pour les rares circonstances où la duchesse daignait valser. Deux valseurs s'étaient déjà succédé pour la soutenir et la conduire, et elle tournait toujours avec la même élégance et le même sourire. Lorsque l'orchestre, ayant répété chaque reprise, fut parvenu aux mesures du final, elle ralentit le pas graduellement et s'arrêta pour saluer et remercier son cavalier, qui suait sang et eau et s'épongeait furieusement le front. Elle n'avait pas, elle, une goutte de sueur. Les assistants applaudissaient avec enthousiasme et se précipitaient pour bien constater ce phénomène. La duchesse, toujours souriante, s'inclina et d'un geste particulier, développant son éventail, écarta les importuns pour pouvoir sortir et du bal et du jardin Mabi. Le jeune homme était encore à son banc, aussi indifférent, aussi détaché en apparence de ce qui se passait. Madame Dumont fut irritée de cette attitude qui était comme un défi et une insulte. Que n'eût-elle pas donné pour voir cet inconnu s'associer à son triomphe, au moins par un regard? Rien, c'était exaspérant. Pour se retirer, elle devait passer tout près de lui. Elle n'avait que deux pas à faire pour atteindre le banc. Elle détourna le pied et, faiblissant sur elle-même, poussa un petit cri « Ah !» Le jeune homme se leva, la prit par la main pour la soutenir et poliment, d'une voix nette et posée, « Vous êtes-vous fait mal, madame ?»« Ce n'est rien, monsieur, je vous remercie. Mon pied a tourné. » Mais disant cela, elle paraissait souffrir. Le jeune homme insista. « Asseyez-vous, madame. Je vais chercher un réconfortant, hein. Je n'ai besoin de rien, merci. Une minute de repos me suffira. » Elle s'était assise. Le jeune homme l'avait compris. Son faux pas n'avait été qu'une feinte. Sans s'arrêter à la vulgarité du subterfuge, il se disait « Je savais bien qu'elle y viendrait. » Et aussi, ayant remarqué que la jeune femme n'avait eu ni un tremblement dans la voix, ni une agitation dans la main, qui était sèche et froide, ni une hésitation dans le regard, ni une plus vive coloration au visage, il ajoutait mentalement « La lutte sera vive. Dieu sait ce qu'il adviendra de tout ceci. »